même rasé. Ok, leur intégration c'est un cachet de 30 scènes. Qu'est-ce un cœur malade, frère, que le passé gangrène. Y'a pas assez d'entraide et toute leur salade qu'ils crachent pour qu'on crève. Voilà, c'est parlé. Je leur rappelle qu'on a été nègres et arabes. Ouais, ça laisse des palins. Qu'on gagne ou qu'on perde, réfléchis, le luxe n'est pas là. Cesse tes palabres sur ma religion, mon team. Ma race, mon style, ma condition, mon team. Et c'est pas avec un petit geste ou un string que tu vas dompter l'indigène. Claire ton speech, il reste indigeste. On vide l'Afrique de ses richesses, mais vise la taille de mes biceps. Et ça sans manger ton porc ou boire ta vignasse. Comme on change pas l'accord en acid jazz. Moi je reste fort en accord avec jazz. Alors respect aux sœurs qui portent encore la hijab. Leur loi c'est le diable qui leur dicte. Ils pètent comme un pot ninja dans leurs jeans. Et nous on en veut pas comme le rôle du black dans leur film. Porte la sunite et un terroriste dans leur ville. Et plus qu'encore un astéroïde dans leur beat qui se dérègle et fonce droit dans leur pif. Et ici pas de théorie, je lâche juste une rime et ils vivent. Leurs gosses ils veulent être comme nous, c'est pour ça qu'ils flippent. Et ouais, c'est pour ça qu'ils flippent. Représente, représente moi-même, c'est-à-dire représente, représente que aucun def prend. Représente, représente quoi. Tu crois qu'on plaisante, qu'on plaisante. On se ferait un chemin dans cet univers. T'inquiète, on garde les yeux ouverts. On sait ce qui se trame derrière toi et tes barrières. Inutile de nous dicter ce qu'il faut faire. Demande-toi plutôt à quoi tu sers. Je débarque avec mes frères, ceux qui ont les pieds sur terre. Ah, ah, ah. Ouais, ma vie, c'est pas un film de 16 corps. Je suis rasé pour Def Prod, valorise qui m'escorte. C'est pour eux que je rappelle un peu sonorisé. Que je casse l'armure métallisée. Trop d'abus, pleurs dramatisés. On parle de rue sponsorisée, médiatisée, spécialisée. Je reste à l'affût, organisé. Ces moments, j'arrive pile poil. Selon le beat, je gratte. T'entends pas le bruit du tic-tac. Crois que le temps s'arrête au kit-kat. C'est comme l'état qui parle de nous quand ça leur échappe. C'est pour ma thèse qu'on esplanade. C'est de la poisse ton art, impressionnable. Je reste mon mic, peste ton art. Inlassable, inclassable, impensable. Dis-leur ça. Quand je rapplique, je serre les taux. Mes nicks, laisse faire les pros. Technique, sans ces flots. Ma clique, on serre les faux. Allez, bla bla, des gueules. Moi, je connais le bla bla des jeunes. Je crois que c'est le corps qui tape à l'œil. Yo, fais pas ta gueule. Si les gens t'en pas en veulent, t'entends pas le bruit du bla bla gueule. Allez, quand tu rappes, est-ce que tu représentes? Represent. Et quand tu frappes, mais qu'est-ce tu représentes? Represent. Représente, représente. Le mic écrasé. Représente, représente. Quand il prod systématique. Représente, représente. Quoi? Tu crois qu'on plaisante, qu'on plaisante? On se ferait un chemin dans cet univers. T'inquiète, on garde les yeux ouverts. On sait ce qui se trame derrière toi et tes barrières. Inutile de nous dicter ce qu'il faut faire. Demande-toi plutôt à quoi tu sers. Je débarque avec mes frères, ceux qui ont les pieds sur terre. Ah, ah. Et ouais, on se ferait un chemin dans cet univers. T'inquiète, on a les yeux bien ouverts. Inutile de nous dicter ce qu'il faut faire. Hein? Anissa, SAM, AF, systématique.